Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional en parlant de hockey comme on le fait tous les jours. On va ouvrir en parlant des Saguenay de Chicoutimi qui étaient dans les Maritimes en fin de semaine. Ils ont remporté une victoire de 4 à 3 sur les Sea Dogs de Saint-Jean. Olivier Galipo a marqué un but, une passe. Il y a German Rutsoff, un but, et Jérémy Diotte qui a marqué également un but. Ryan Smith a amassé deux passes dans la rencontre. Et vendredi, les Saguenay ont perdu 3-2 contre les Wildcats de Moncton. Ryan Smith a marqué les deux buts. Ça va bien pour les Olympiques, pour les Huskies de Rouyn-Noranda. Plutôt, ils ont gagné 4-1 contre les Olympiques et ils ont gagné également 3-1 contre le Titan d'Acadie Batters. Les Marquis de Jonquière ont perdu 4-3 contre Thetford Mines samedi soir. Un doublé pour Alexandre Quesnel, un but, une passe pour Hugo Carpentier. Et vendredi, victoire des Marquis 4-3 sur Rivière-du-Loup dans le match 2 buts pour Hubert Poulin. Parlons de la Ligue Midget 3A. Les élites de Jonquière ont gagné 5-3 contre les Escapades de Trois-Rivières. 2 buts, 2 passes pour Charles Tremblay. Et les élites ont gagné 6-5 également contre Lévis. 1 but, 2 passes pour également Charles Tremblay. Ligue Junior Régionale, les Éperviers de Normandie ont gagné 10-1 sur les Aiglons d'Alma. Et vendredi, défaite des Éperviers 5-4 sur les Marquis. Et ça va de plus en plus mal pour les Sabres de Roberval. Deux autres défaites au cours du week-end. Les Sabres qui ont perdu 6-5 et 5-2 contre les Marquis de Jonquière et les Saguenay de Chicoutimi. Niveau du midget régional, maintenant, le Marcos Spa a gagné 7-2 sur le National de la Baie. Olivier Launière et Simon Petitguet, deux buts. Demain, qu'Antoine Niquette qui a marqué un but, deux passes. Il y a également Félix Lapointe et Alexis Bredette qui ont aussi marqué. Et maintenant, au niveau des ambassadeurs de Chicoutimi, deux victoires pour les ambassadeurs, 3-2 et 5-2 contre les Aiglons d'Alma. Dans le match de 3-2, Frédéric Roy, un but, deux passes. Xavier Saint-Gelais, un but, et Thomas Laplace, un but. Et dans la victoire de 5-2, Frédéric Roy a réussi un truc du chapeau. Un but, trois passes pour Louis-David Gagnon. Il y a également Mathias Boivin qui a complété le pointage. Maintenant, au football, les Gaillards de Jonquière ont pris le premier 70 verges au sol. Et du côté des Cougars de Chicoutimi, ils ont gagné 38-7 contre les Genois d'Alma. Le sport local et régional à danslaudiosport.com. On s'en occupe.